ou tu vois ou pas. Nous on venait et puis on faisait notre truc, tu vois ou pas. C'est vrai que c'est... Mais après je comprends, hein. Je comprends ce que tu dis là. Mais je sais pas, on n'a pas trop eu ces genres de problèmes. On n'a pas ces soucis, c'est qu'en fait nous personnellement, franchement, on était plus en mode bon, déjà gros big up à Taïgaz. RIP. Taïgaz, franchement. Moi, franchement, j'ai vraiment causé un peu avec lui au temps de tout Sopa, le clip tout Sopa. On a tourné ça. Yes. Il était là même dans le clip à la fin. On voit avec Amoury. Avec Amos. Il faut qu'on l'appelle Amos maintenant. Hein. Ces petits enfoirés. En bref. Non, sinon, juste pour dire que franchement, là, nous, on était dans une optique où, on s'en foutait en fait. Ouais. On n'est pas d'ici. Il faut qu'on défonce tout. Ok. Tu vois? Et du coup, on n'était pas dans le même délire. Ouais, t'avais pas forcément le recul pour dire ouais, mais en fait, non. Peut-être on est boycotté parce que. On était boycotté. Si tu veux, tout ça, on voyait. On voyait. Et comme je dis, par exemple, j'ai dit avant, on était vraiment en mode freestyle, scène. On n'était pas en mode studio, tout ça. Donc, studio, on connaissait pas. Il fallait juste qu'un mec débarque pour nous dire, les mecs. Quand tu sais, comme Jerry Ewing, je sais pas comment ça s'appelle là, de NWA. Ouais. Comment ça s'appelle le Babtou là. Le producteur. Bref, ouais, le producteur là qui a débarqué. S'il y avait un gars comme ça là, mec. Ouais. Il se serait fait couillonneur sur nous. Ouais. Tu penses on était des mecs de scène, on était tellement à fond, Si on avait un mec, franchement. Bon, franchement, je vais pas te mentir, on était des jeunes débiles. Ouais. Tu vois, on va pas se mentir, on se serait tous fait baiser, mais à fond. Mais franchement, s'il y avait un mec comme ça là qui avait débarqué pour nous dire, les mecs, je vous prends. Ok. Et je vous gère. Justement, bah, je vais faire un parallèle avec aujourd'hui. Vous, avec l'émission, vous donnez de la visibilité aussi aux artistes. Est-ce que par exemple, il y a des artistes locaux là en ce moment que vous suivez et que pour qui vous serez prêt à faire une petite promo là comme ça dans l'émission? Est-ce qu'il y a des mecs ici à Besançon qui vous donnent envie de croire que peut-être que Bezac, on peut être enfin sur la carte, tu vois, la carte du rap, entre guillemets, ou tu vois. Franchement, moi, attends, je te précède. Après, tu parleras. Moi, franchement, je sens qu'il réfléchissait, en fait. Ouais. On va. Il est minuit 3, mais on va encore avancer jusqu'à écart 20. Ok. Puis après, on rentre à l'entrée. Je vous le dis, parce qu'on a commencé un peu en retard. Abrégé. Hein. Tu vas t'abreuver et abréger. C'est minuit, c'est minuit. Écoute, moi personnellement, j'écoute pas trop de rap byzantin. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Moi, s'il y a des bons rappeurs qui sont prêts et motivés à passer à Radio Campus, mais surtout que c'est pas la grosse radio, hein, on s'en bat les couilles, entre nous. Tu vois, oui. Les gars qui sont motivés, qui sont prêts à passer. Moi, franchement, nous, on va écouter ensemble avec mon gars. Il est ici. On valide. Yes. On y va. Moi, pour l'avoir vécu, du coup, de l'autre côté, en tant qu'artiste, c'est vrai que l'émission est vraiment cool. Théo2S aussi, qui a été reçu avec Charlie, l'émission était super cool. Est-ce que vous avez toujours des invités ou des fois vous faites des émissions en mode ouais, vas-y, ce soir on se met en mode tranquille? On fait très souvent des émissions en mode tranquille. Ok. C'est plus tranquille, les invités, mais c'est une fois de temps en temps. Comme un catholique, quand même, au fond. Ouais. Tu vois? Bah, en fait, le délire, c'est qu'au début, on faisait beaucoup d'émissions où on devait inviter des artistes toutes les semaines, tu vois. Quand je dis des artistes, c'est vraiment large. C'est des artistes. Des danseurs, n'importe. Des entrepreneurs. Et par manque de temps, et c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure aussi, c'est par rapport à ça, on voulait recruter des gens. pour pouvoir faire vraiment une vraie émission radio, tu vois ou pas? Ouais. Et donc, nous, ce qui nous manquait à l'époque, enfin, quand on a commencé, c'était des meufs, tu vois. Ouais. Parce qu'à la base, on était quand même, quand on a commencé, on était quand même 5 ou 6, ou je sais plus. Enfin, on était. Il y avait beaucoup de gens, en fait. Il y avait que des mecs et tout. Et il y avait pas de meufs. Donc, on s'est retrouvés, on a recruté, on a même fait des cartes, hein, des cartes de visite, machin, tout ça. On a recruté. Des castings, tout ça. Mais les gens. La radio. Moi, je pense. Je pense que c'est. Et flip côté, il n'y a que des mecs, machin, truc. Non, mais il n'y a pas que les meufs, mec. Les gars aussi, c'était pareil, en fait, si tu veux. Ils ne se sentaient pas devenir animés, quoi. Voilà. En gros, les gars, ils venaient. J'ai pas suivi ça, moi. Les gars venaient, ils avaient... Bah si, t'as suivi, vu qu'on est deux, maintenant. Donc, Vous êtes les deux derniers survivants. T'as fait le casting. Moi, j'étais pas là quand t'as fait le casting. Non, toi, t'étais pas là. Ouais. Je l'ai fait casting avec d'autres. C'est de ça que je parle, tu vois. Non, mais... Abreuve, je ne sais plus. C'est pareil, hein. C'est chaud. Donc, en c'est gros, un mot très, très difficile à prononcer. En gros, je vais couper court. En gros, BCT, nous, notre truc, c'est... On veut s'élargir, si tu veux. Je sais pas comment dire. C'est clair. On veut se développer. En fait, on veut se développer, c'est qu'en fait, on veut avoir une autre optique. En fait, une façon de voir féminine, par exemple. Oui. Peut être un plus. Oui. Tu vois. Dans tout le sens du terme, c'est qu'en fait, elle peut dire, je veux parler de mode ou bien de Comment on dit, en fait, on s'en bat les couilles. Il faut qu'il y ait un truc. Il faut que tu sois motivé. Féminin. Il faut que tu sois machin. Nous, c'est ça qu'on veut, nous. Tu vois, vu qu'on est deux gars, machin. Tu sais, on ça peut. Ça apporte quelque chose. Ça apporte autre chose. Moi, je passe mon annonce. Si tu te crois grosse, immonde, avec plein de boutons, sache que BCT s'en bat les couilles. On t'acceptera. C'est comme le McDo chez nous. Viens comme tu es. Venez comme vous êtes. On n'en a rien à foutre. C'est vraiment développer un business, un délire. Yes. C'est tout. Tu vois ton truc de générique, tout ça là. Ouais, le jingle. Ça, on va le faire, nous là. Ok. Tu vois, pourtant, ça fait 2 ans on fait une émission. Ouais. Mais on a toujours pas fait ça. Tu vois ou pas? Et c'est seulement maintenant que si tu en fais de la radio, a mis en place un délire spécial pour ça. Il y a peut-être même un an, même peut-être 5 mois. Bah, tiens, il l'avait déjà mis en place, mais jusque là, on l'a jamais fait. Tu vois. Ouais, un an ou 6 mois, 7 mois, je sais pas maintenant. Là, si tout de suite, là, vous deviez faire un jingle là, pour votre émission, ça sonnerait à peu près comment? BCT! Ouais, ce serait ça. Ouais, ça. C'est accrocheur, c'est accrocheur, voilà. C'est accrocheur. Bah, ce serait. Attends, pas tout de suite. Ah ouais, d'accord. Ah non, recule un peu. Ah ouais, d'accord. D'accord. Donc, si tu es auditrice, que tu es motivée, que tu as envie d'animer une émission radio, sache qu'il y a BCT et ils ont besoin d'un jingle. Donc, pour éviter que ce soit DMV qui fasse la voix, tu peux venir faire le jingle aussi en même temps. Pourquoi moi? Yes. Écoutez les gars, je vous propose de faire une dernière petite pause musicale. Après, j'ai encore une ou deux questions. Vas-y. Tranquille. Je mets quoi? Écoute, tu m'avais mis plein d'étoiles là. DJ Ken Kalash. Vas-y, mets ça. DJ Ken Kalash, Moula. Et tu peux Moula. Mais... Allez, bah tu sais quoi, je les mets les deux. Vas-y. DJ Ken Kalash, Moula, Sosa 93, vas-y. Kalate. Je mets Kayate, ça. Kayate. Pardon. Tu sais ce que ça veut dire? Espagnol. Non. Comme ta gueule. Ça veut dire quoi? Ok. Yes. Donc sur demande de nos amis de BCT, j'envoie DJ Ken Kalash Moula et Non, pas tout de suite. Dans la continuité, j'envoie Sosa 93. BCT. Bon, je crois que je vais commencer à couper les micros là parce que ça part n'importe comment. Yeah, la 25e, on est toujours là jusqu'à minuit, comme d'hab. Jusqu'à minuit, ben non, minuit passé maintenant. On a encore quelques questions et après on rendra l'antenne. Merci à tous ceux qui nous écoutent un peu partout, sur internet, dans vos radios, tout ça, tout ça. Allez, DJ Ken, Kalash Moula, c'est parti. Pas de mi-sec. Bout. Winner, winner, winner. Moula, moula, moula, tout le monde a les fesses. Où les coches la bien propre pour pépaye des fesses. Sac à fête d'ici, assez en bas fait. Soirée pas comme nous, pas ni sommeil. Mola, mola, mola, mola, mola, mola, mola. Nous qu'à vivre ensemble, qu'on qu'à prier Jésus ou voilà. En l'étape là, nous Jacques laqué en paix. En seule vie, nous n'y font profiter d'elle. Rouler, rouler, rouler, amnésia, la frappe qu'a roulé. Qui Jordan qu'a fait des roues pendant la bac à tourner. Le dimanche, quatre heures matin, ça qu'a profait. Papa joué à d'abois, moi en peu qu'on fait. Descend lundi, l'on ravitaille et nous souhaite. Champagne et puis Jack nous finit, paix d'en frère. Madame nous chaud, bah nous bois ça bien fait. Ça qui la savent, la reste pas qu'on est. Mola, mola, mola, tout le monde a les feuilles. Où les coches la bien propre pour pébaye des feuilles. Ça qu'a fait ici, assez en bas fait. Soirée pas comme nous, pas ni sommeil. Mola, mola, mola, mola, mola, mola, mola. Nous qu'a vivre ensemble, qu'a prié Jésus ou voilà. En l'étape là, nous j'a claqué en paix. En seule vie, nous n'y font profiter d'elle. Nous la cassie ou t'es pis DJ Ken. C'est bougla la bien chaud, yo vini pour Ken. Yo soif, yo besoin chie. Nous qu'a fait toute boîte qu'on entend chez elle. Moi senti fait 20 000 euros, mon besoin wina. Placer 15 000 et tout, la reste c'est pour nous chila. Maman dis-moi bloquer l'argent avant il trop tard. Pas inquiéter demain en capé ou en villa. Rien à foutre, nous pas si VIP. Mélanger, mélanger, nous vine la bouffette. Nous c'est pour peuple, ça c'est vérité. Moi pas les bois tout seul, faut que tout le monde en pète. Mola, mola, mola, tout le monde en les fait. Où les coches la bien propre pour pébaye des fêtes. Sa qu'a fait ici, assez en bas fait. Soirée pas comme nous, pas ni sommeil. Mola, mola, mola, mola, mola, mola, mola. Nous qu'a vivre ensemble, qu'a prié Jésus ou voilà. En l'étape là, nous j'a claqué en paix. En seule vie, nous n'y font profiter d'elle. Yeah, la 25e, DJ Ken Kalash Moula. Je balance un petit jingle là et puis j'envoie Sosa 93. Radio La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Crac-crac Radio Sud.net. 101.8. Kayate, kayate, kayate, kayate. Kayate, kayate. Kayate, kayate, kayate, kayate. 9-3-T, Sosa. La nuit c'est le jour chez nous. À plusieurs dans une affaire c'est toujours chelou. Tout solitaire, je suis déçu de la mec. J'aime tout ce qui est vert, je suis déçu de Namek. Détaillé, emballé, s'enrichir dans l'allée. Que pour compter que nos morts vont se balader. Deux, trois voyages, j'étais millionnaire dans l'année. Kayate, kayate, kala contre karaté. Tellement de choses que je veux pas rater. J'en oublie que Champs-Élysées veut pas dire paradis. Des terres comme Sankara, la vie est un combat gagné. Paradis Sangaré. Ma carrière elle a pas démarré. La concu je la baise même en maison d'arrêt. Que tu sois content ou pas c'est pareil. Cocaïne et oseille sont jamais séparés. Chaque jour on pense au bénéfice qu'on va fêter. Tiens ta langue et ton l'oreille. mettre dans la sacoche, toute l'année c'est la I. Dans les tricards comme Gaza, oui, t'as Tel Aviv. J'suis dans l'investissement, pas dans le prêt. Veux tout tout de suite, y'a pas d'après. L'amour est dans la levrette, pas dans le prêt. Choquant comme une haja calibrée. La paix, j'y veux prendre tout le feu. PS prend un cocktail, je ne se pis. Dans la rue, on s'envoie la balle. Syndrome de Gaël, mon Sophie. Ne reporte jamais rien, demain même sur la A3, clean K, il lève à une main. Nique sa mère, ça fait des soleils en palma. Vivre en chien, c'est encore pire que de crever en essayant s'en sortir. J'suis en élevé loup boutin, sans sortir. Le cœur bresson comme quand le Tenchi arrive. Des billets faciles. Tago à quatre pattes et mes potes aux assises. RS6 me fascine, y'a personne qui m'assiste. 9-3-2. Kayate, kayate, kayate, kayate. Show la 25e, j'envoie le jingle, c'est parti. Radio la 25e, comme tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. La 25e, bon, on a quelques minutes de prolongation. Il y avait match nul, voilà, faut se départager. Il est minuit 16, je me fais insulter dans le plus grand des calmes. Non. Ok, c'était Sosa 93 T Kayate Freestyle, donc je viens d'apprendre ce que ça voulait dire. Et avant, c'était DJ Ken Kalash Moula, j'apprécie particulièrement. Merci. Revenons aux dernières questions, du coup, parce que là, on va arriver à la fin. Yes. Depuis la création de l'émission, là, depuis 2 ans, bon, je pense que vous avez reçu pas mal de gens, pas mal de retours, etc. Est-ce que vous avez des projets? Bon, j'ai cru comprendre que vous recherchiez quelqu'un pour faire le jingle et les chroniques. De préférence féminine. Non, on recherche pas quelqu'un pour faire le jingle électronique. Non, non, mais en rigolant. Mais oui, s'il y a quelqu'un qui peut venir en troisième... Ressort. Troisième, ouais, troisième neuron. C'est plus pour le multimédia, en fait. Ok. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est plus pour tout ce qui est réseaux sociaux. Développer l'image. Tout ce qui est image, voilà. Ouais. Tout ce qui est image, logo, machin, yes. Tout le bordel, quoi. Ok. Gros. Vous avez toujours pas de... Vous avez pas un petit logo, un petit non. truc Non, non. Ok. On avait fait un logo, on va dire, comment... Un test, mais non. Ouais, ok. On le gardera pas parce pas que... Pas validé. C'est pas ça, quoi. Ok. Donc, du coup, voilà. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça éventuellement ou... Bah, peut-être qu'il y aura quelqu'un. Ok. qui est juste à côté ou... Ouais, okay, d'accord. Ça va être en pourparler. Ok. De préférence, une femme. Avec de gros cheveux, de grosses fesses. Chanteuse. Non, je rigole. Yes. Ouais, donc vous voulez vous développer un peu plus au niveau de l'image. Mmh. Ouais, c'est... Donc logo vidéo, je pense. Bah, logo vidéo, ouais. Et puis tu vois, c'est comme ça, ça va être fulgurant, tu vois. C'est où on fait les choses petits ou on les fait grands, tu vois ou pas. Ah bah tiens, question qui me vient. On a eu le même débat un peu avec Jounes par rapport à la 25e. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, avec Internet, la facilité d'être sur YouTube et tout ça? En fin de compte, on fait de la radio, mais on fait plus que de la radio. On fait plus que de parler derrière un micro et d'être écouté. On a besoin aussi, nous, d'être vus ou de faire voir les artistes, bah ça, que les gens retrouvent les vidéos. Bah, c'est ce que j'avais mis, c'est ce que j'avais fait la réflexion sur ça. Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire un peu les lives. Les lives, c'est intéressant. Hein. Moi, je trouve ça super intéressant quand vous nous envoyez le... C'est pour ça qu'en fait, moi, personnellement, les podcasts, perso, je trouve ça sert à rien. Ouais. Tu penses que les gens, ils écoutent plus et peut-être qu'ils regardent un peu plus? Moi, j'estime que si tu veux, si t'as envie d'écouter, t'as envie de voir, comment ça s'appelle, les JT. Tu te poses à 13h, tu vois les JT. Ouais. Oui, c'est ton rendez-vous. Voilà. Mais... Personnellement, moi, me faire chier à te mettre des podcasts, machin, truc et tout, c'est que personnellement, moi j'estime comme ça, hein, mon émission, tu chies dessus en fait. Ouais. Ouais, si t'as envie d'écouter mon émission, tu te poses le dimanche soir. C'est pas ta priorité, quoi. Voilà, c'était pas ta priorité. Ouais. En fait, ouais, non. Ouais, j'ai écouté ça après. Ouais. Non. Après, ça peut être quand même intéressant pour quelqu'un peut-être qui pouvait vraiment pas. Ou, ouais, tu vois. Non, il y a. On peut toujours. Non, mais en vrai, toujours. En vrai, on nous a souvent dit faites des podcasts, les gars, faites des podcasts. Et moi, je suis. Mais c'est ce que je t'ai dit. Non, j'ai pas envie. C'est ce que je t'ai dit, c'est que. Nous, on est là, on fait notre émission. Faut peut-être qu'il y ait un mec, tu vois, qui vient, ou une meuf, hein. En plus. Qui vient, vas-y, on a fait notre émission. Ok, bon, moi, je m'occupe de poster tout le bordel. Ouais, machin, tu vois. Un peu redistribuer les tâches. Voilà. Ouais. Juste un truc, en sauce de délire. Hein. Quand tu regardes tes PMP, par exemple, je sais pas si tu regardes ça. Non, si mais je vois regardes, bien. Tu regardes, je sais pas, au pire, les enfants de la télé. Moi, je regarde pas, j'ai pas la télé. T'as envie de voir ça en live. Quand tu regardes ça en live, tu regardes sur le coup. Rigoler de ça deux jours après, ça n'a aucun intérêt. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est comme voir un match de foot. Un match de foot. Oui, tu vois la vie. Tu vas te faire chier. Ouais. Ok, d'accord, il y a un match de foot qui va se passer dimanche soir. Ouais. Tu vas te démerder pour le voir. Ouais. Et par contre, pourquoi mon émission, t'as pas envie de t'émerder pour le voir? Pour la voir, moi pour l'écouter, c'est qu'en fait, personnellement, en fait, t'en bats les couilles de mon émission, t'as envie de la voir en podcast. Donc, moi, j'ai dit, après, moi, c'est aussi une bonne manière aussi de non, dire aux gens, voilà, moi, j'ai c'est quelque chose de j'ai pas envie de me faire chier à mettre un podcast et puis pour vous, quoi, pourquoi, ouais. Après, c'est aussi une stratégie de dire, entre guillemets, c'est éphémère, c'est sur l'instant, ben voilà, c'est soit tu viens. Nous, tu en délire. T'écoutes, soit tant pis pour toi et t'attendras la semaine prochaine. Hein, c'est aussi une très bonne. Nous, en délire, on est en live, en délire, on est sur le moment. Tu kiffes avec nous, t'as pas envie de kiffer. C'est quand même un match de foot, en fait. Un match de foot. Tu kiffes sur le moment. C'est comme si tu me dis, ouais, je regardais Côte d'Ivoire-Sénégal de 92, là maintenant, pour voir qui a gagné la CAN en 92. Mais non. Ouais, c'est sur le moment. C'est la même chose. Eh ben non, voilà. Donc, si t'as envie d'écouter Radio Sud. Non, pardon. Ouais, mais c'est bien Radio Sud. Radio Sud, ouais, si, franchement, si t'avais écouté Radio Sud, tu écoutes là maintenant. Mais... FM. Mais justement, je reviens à ce que tu disais. Je pense que quand tu t'étais engagé à faire de la radio, peut-être que tu t'attendais pas. Enfin, en fait, je te pose la question, mais en même temps, je me la pose à moi-même, hein, parce que je suis dans le même cas que vous. Peut-être que, bah, je vais dire on s'attendait peut-être pas à. Faire autant de choses en fait, parce que maintenant faut que tu gères tes réseaux, tu vois. Moi je sais que par exemple pour la radio, ben tous les visuels, tous les réseaux, les stories, machin, ben c'est Bibi, tu vois. Contacter les invités, etc., publier les vidéos, machin. Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait vraiment de la radio? Ou est-ce que vous avez l'impression que peut-être on devient un peu des couteaux suisses ambulant et qu'en fin de compte, on touche plus à tout que... Bah, écoute, moi, je veux te dire, hein, j'ai pas de réseau, déjà, pour commencer. Ouais. Hein. Bah si, vous avez l'Insta, quand même. Non, lui, non personnellement, moi, j'ai pas de réseau. Ouais. Donc, ça joue déjà, tu vois, dans le bordel. Ouais. T'es pas ultra connecté. Voilà. Ouais. Donc, le délire, c'est que je ne suis déjà pas connecté. Mais il y a l'Instagram. Mais un gars comme moi qui est déjà pas connecté, je peux pas gérer un réseau. Ouais, je sais pas comment tu vas t'expliquer ça. Ouais, je vois. J'ai aucun réseau. À part l'Instagram, j'ai aucun réseau, j'ai zéro. Donc en gros, un type comme moi peut pas gérer un réseau, tu vois, genre avoir les clés pour pouvoir diffuser le truc, réalimenter machin, donc en gros je vais te faire un truc, mais ça va être plus de l'expérience du tâton, tu vois, tâtonnement, tu vois, ce fameux à deux tâton. Doigts tu vois ou pas, voilà, les deux doigts avec un peu de miel. Tu vois pas, ils ont mielé le cul de poulet, c'est ça. Je vais mieler tout le bordel, tu vois ou pas. Je vais tâtonner comme ça. Putain, merde. Est-ce qu'on entend ça? Bah, là, j'entends. Je suis actuellement en train d'entendre ce que tu fais. Voilà. Je vais mieler ce putain de tâtonnement. Non, mais c'est un applaudissement dans une église. Round of applause. Ouais, clap. Drop into the floor, mais elle mais oui, pour enfin, revenir, pour revenir, pour redevenir sérieux. je commence à transpirer. Donc, en fait, tu veux dire que tu maîtrises pas le truc. Au final, tu maîtrises pas le truc à mort. Non, je maîtrise pas du tout, moi. Ouais. Tu vois. Moi, en gros, en fait, c'est pour ça. Pour mon cas, moi, je parle pour mon cas. Dim, c'est encore autre chose, tu vois. Moi, pour mon cas, les réseaux. J'ai abandonné ça, ça fait longtemps, tu vois. Mais là, parce qu'on a la radio, machin, et Insta, je connais pas encore les codes, machin. Ouais, il faut mettre ce truc-là de hashtag pour que, machin, nanana, tu vois, nique ta mère, machin, je sais pas quoi, tu vois. Donc, je connais pas, en fait, ces codes-là. Donc, du coup, s'il y a quelqu'un qui maîtrise, balance, peut-être... Il faut qu'il y ait peut-être un mec qui connaît tout ça, tu vois, à plein temps, tu vois, qui balance les trucs, machin, ok, vas-y. Ce qui est fou dans l'histoire, c'est qu'en fait, moi, j'ai plus ce recul sur ce domaine-là par rapport à lui. Je suis plus sur les réseaux sociaux. Et c'est moi qui fais plus de conneries. Ah ouais? C'est toi qui fais les boulettes, en fait. C'est ça qui est fou, tu vois. C'est ça qui est vraiment fou, tu vois. Donc, on passe un petit appel. Enfin, du coup, je passe deux appels pour vous. Non, mais vas-y, vas-y. Il y a, on cherche toujours quelqu'un pour animer une chronique peut-être féminine, pour apporter peut-être nous, autre chose. Nous, il nous faut une voix de meuf. Voilà, apporter quelque chose à l'émission. Ouais. Et puis, si mec, il y a une meuf, on s'en fout. Et bon, on n'est pas en mode LGBT, machin, truc, tout ça. Parce que LG, pas J. Je sais pas. Quelque part, franchement, je n'ai pas menti. Mais LZBT. Je m'en fous complètement. Et MZBT. Bon, une personne qui n'a pas... Qui n'a pas... Bon, ouais voilà, si t'es motivé, que t'as envie de faire une chronique d'Ambicity. Et s'il y a quelqu'un qui maîtrise un peu tout ce qui est réseau, tout ça, qui peut apporter son aide à l'émission de Ambicity, je rappelle que l'émission se passe tous les dimanches de 18h à 19h, un dimanche sur deux. De 17h à 19h. 102.4, tous les dimanches, Ambicity, vous pouvez retrouver leur Instagram et vous abonner évidemment bcity-ent comme entertainment. Sinon, vous pouvez aller sur www.campusbesancon.fr. Évidemment, il n'y a pas la CCJ. Vous verrez sur Insta, il y a les lives Insta qui sont toujours là, les petites vidéos, les photos, tout ça, tout ça. Ça va se développer, les lives Insta, va se développer. C'est juste que voilà, il faut vraiment qu'on ait une personne qui gère ça. On va essayer de trouver un logo aussi et on va, comme vous, avoir une sorte de jingle, machin, tout ça. On va essayer de développer ça au calme. Le jingle, il est trouvé là. Attends, pas maintenant. Et après, tu fais « Ah oui !» Ah oui Ah oui Yes. Attends, pas maintenant. du coup, c'est plus du tout la même émission, là. Putain. Je kiffe comme Jackie Chan. Voilà. C'était le nouveau jingle de Ambicity. Vous l'avez eu en exclusivité ce soir. Est-ce que... Donc, je ne veux plus de jingle, c'est fini les jingles. Mais est-ce que... Avant de rendre l'antenne, vous avez un petit mot à dire ou je sais pas, refaire une petite pub ou passer un petit message avant qu'on rende l'antenne. Moi, franchement, j'ai juste envie de dire, franchement, merci à vous. Merci, Shout-out à toi. Surtout à toi, parce que comment ça s'appelle l'Angolais, là. Qui ça? Bon, je connais pas d'Angolais. L'enculé, hein. L'enculé, là. Ouais, du coup, ouais, je suis désolé c'est pour... C'est mon côté marseillais. Ouais. L'enculé, hein. Ouais, du coup, Jounès, il a pas pu être là, il a un gros souci de voiture. C'est ça, mec. Voilà, donc. On sait ce qu'il faisait, Jounès. Hein, les Anglais, les Congolais, c'est la même chose. Ça finit pareil, laid. Ils sont laids. Ils font des choses assez moches. Ah ouais, grave, t'as vu. C'est des laids, les mecs. Non, shout out à toi, shout out à. Bisous à vous. Sud. 101.8 FM. Merci pour l'émission. Dommage qu'on n'ait pas eu assez de temps pour pouvoir développer tout ce bordel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais cool, quand même. Après, comme je disais, par exemple, J'avais beaucoup apprécié votre venue quand Pinkman était là. Voilà, que vous étiez là, même avec nous autour de la table, des fois, reposer des questions, tout ça. Mm. Sachez que le jeudi soir de 22h à minuit, la porte est ouverte. Vous passez par là et que peut-être qu'on est là avec des invités, vous pouvez vous mettre autour de la table avec nous. Il n'y a pas de Radio Campus, Radio Sud, franchement, West Side, East Side, il n'y a pas, tu vois. Quand j'ai entendu Pinkman, je m'attendais à des Pinky. Ouais. Pinky Woman. Ah ben. Genre, moi, j'ai débarqué. Non, il était tout seul, il était juste Pinkman. Il y avait pas de Pinky. C'est chaud. Moi, ça fait plaisir. Oui. Mais personnellement, moi, j'ai pas trop kiffé. Parce qu'il n'y a pas de Pinky Woman. Je crois que je t'ai mis Pinkman dans la liste. Yes, exactement. Pinkman Virgin. Voilà. Bah, tu sais quoi, ce qu'on va faire, vu qu'on a parlé de lui et puis que c'est le dernier son de la soirée, je vais balancer le Pinkman Virgin, si tu veux. Oui, DMV. Bon, en tout cas, franchement, merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. Invités. Et franchement, écoutez Radio Sud. De Mister. Ciao. Yes, merci. Écoutez vraiment son émission. Franchement, voilà. Et ça va être plaisir parce qu'en fait, on voit qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de concurrence, en gros, tu vois. Ah non, pas du tout. Aucune. On est vraiment ensemble. Pas du tout. Vraiment, faut écouter ça. Et les artistes qui passaient à Radio Sud, n'hésitez pas à faire un appel à Radio Sud, Radio Campus. Non, mais moi, ça peut être quelque chose aussi qu'on peut mettre en place. Hein. Moi, j'ai des invités, je peux aussi proposer de... Il n'y a rien à dire. Non, mais franchement, d'aller voir aussi. Si tu as validé, nous, on va écouter. Après, on va valider nous. On diffuse, tu vois. Ok. C'est une question de validation, quoi. Yes. Alors, en tout cas, voilà. En tout cas, ça fait plaisir d'être là. Et en tout cas, salut à Mr. Junes qui n'est pas là. Big up à Junes, big up à Théo Joseph, notre président. On va aussi laisser une petite pub à Mr. Cabs. Vas-y, Cabs. Ouais, c'est bon, je suis dans la vibe. T'es dans la 25e, là, c'est bon. Ouais, alors moi je suis un petit peu les gaillards. De temps en temps, je viens à Radio Campus le dimanche soir. On se met bien. Yes. Donc moi, c'est Cap, c'est ABS. Voilà, j'ai déjà fait 2-3 petites photos pour eux. On va discuter de la suite ensemble. Voilà, pareil, big up, ciao. Lourd l'émission, lourd Radio Campus. Voilà, on est bien ensemble. On se met bien. Explique ce que tu fais, man. Moi, je fais un peu de tout. Je fais de la photo, je fais du graphisme. Je fais de la vidéo, je fais un peu de son aussi. Je suis DJ. Ouais. Voilà, toutes des petites choses... Dans le milieu de la musique urbaine, quoi, du milieu urbain, la culture urbaine, c'est ça. Tout ce qui nous rassemble, quoi. Donc voilà, il y a moyen de faire des bails sympas entre nous. Bien sûr. Vivement la suite. Voilà. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Donc c'était l'émission BCT ce soir sur la 25e, 22h minuit. 22h30, minuit 30, on a décalé un petit peu. 101.8, radiosud.net, tu connais, on est là. Merci à vous de vous être déplacés et d'être venus dans l'émission. Lourd. Du coup, on se quitte sur Pinkman Virgin. Vas-y. Extrait de son futur projet No Life. Il n'en est pas question que tu aies la gestion. Il n'y a que moi qui la coupe. Yeah. Je connais pas, mais ça doit être bien. Donc c'est B. Si. Allez, la 25e, on vous laisse tranquille. Un petit jingle, un petit Pinkman. Et puis. Avant de partir, j'ai oublié de dire que. Ce soir, le projet du poteau Wayby est sorti. Wayby, jeune et talentueux beatmaker. Oui, il est très très lourd. Hein, on est le 31 octobre, c'est Halloween. Il fait des super instrus pour le Mekong Soul, pour Théo2S, le dernier projet. Et là, il a sorti un projet exprès pour le 31 octobre. Donc allez voir ça sur sa chaîne Wayby. Wayby sur Insta, franchement, suivez-le. Il est lourd ce mec. Hein. Franchement, il est lourd. Vous pouvez aller voir ça. En tout cas, franchement, gros big up à Chao. Merci, mon ami. Chao et comment s'appelle l'émission ? Junes. La 25e. Junes qui n'est pas là, je sais pas ce qu'il fait. Il est endormi entre deux nichons ou deux fesses. Moi, j'ai ce que je pense. Moi. Junes, j'ai un message pour toi. Tu nous as sous-estimé. Tu sais très bien. Non, il n'a pas sous-estimé. Non, il nous a surestimé. Ah, il est parti parce qu'il a su qu'on était trop lourd pour lui. Je pense, non, non, mais je pense qu'il a eu un peu peur quand même. Oui, il a eu peur. Il a eu peur. Ces petits connards d'Angolais là. Eh, bah, quelque part, mec. Younes, yeah. Prochainement, sois présent, mon gars. Parce yes. que t'es face à deux Ivoiriens. tu connais. Non, mais aucun. Mais franchement, en tout cas, merci à vous. Thanks, et franchement, nous, de notre côté, on fera une grosse émission. Big up. Que quand vous allez venir là, quand vous allez venir chez nous là, je sais pas. Moi, je vous dis une chose. Hein. Quand on va vous dire venez chez nous, ne mangez pas pendant un jour. Ah ok, d'accord. Bah, peut-être que du coup, Jeunesse sera là. Du coup, s'il y a à manger, peut-être que ça l'attirera un petit peu plus. Ne mangez pas et ne buvez pas. Okay. Que même l'eau. Okay. Ouais, c'est sûr que si on vous invite, ouais, c'est vrai que les auditeurs ne savent pas, mais, quand BCT dit qu'on invite des gens, c'est entre nous. On le fait sérieusement, en fait. Non, fucking Tangma. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Ok, voilà. C'est entre nous, mais en tout cas, ça allez, va vraiment plaisir. En tout cas, et puis, merci pour l'émission. Et puis, longue vie à votre émission, et puis on sera là. Il y a un souci. Yes. Merci beaucoup, les gars. Yes. Quelque chose qui se passe, on sera là. La 25e, l'émission spéciale BCT ce soir. On touche à la fin. Pinkman Virgin pour terminer. Après, on rend l'antenne. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés si tard jusqu'à minuit 36. Bon Halloween, mes petits amis. Hein, moi, je suis déjà en tapis. Déguisé. Allez, bonne soirée. C'était Chao. Big up à Jounes. Et bonne soirée. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Il n'en est pas question que tu aies la gestion. Y'a que moi qui la coucou. Jamais à la maison, je presse dans la région et je ramènerai la coucoucou. Toi pour dire si, je participe, je vois que tu vas faire des histoires. Tu me rappelleras à 18, enfant easy, mais dis-toi que c'est fini. Soir, tout le monde me fait zizi, pas de chichi, ouais, t'es pas que Divi. Soir, tout le monde y réfléchit, un peu plus précis, le reste paraît dérisoire. T'aurais voulu m'attendre, mais j'ai pas pris le temps de te donner ta chance. Rejoins-moi dans la chambre. Je vois le bonheur dans vos yeux, du mieux pour le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête, des souvenirs qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Vous passez des rires aux larmes. La première naissance, la vie de famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Forcément, il y a des hauts et des bas. C'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils. C'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer. Ce soir, c'est ton jour. La messe va démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça. Des petits au grand, la famille au complet. Elle t'a choisi, le destin s'est pas trompé. Une étape de franchie. Le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir. Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents quand ils verront leurs petits-enfants. Mon ami, on est fiers de toi. C'est adultimé, à quel endroit. Hey, ce soir c'est ton jour, la noce va démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça.